L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir avec moi, mes amis, camarades cinéphiles, Lucien Alfrance, bonsoir. Salut Olivier, salut Manu. Et donc voilà, Manu Hélas. Salut les gars. Pas de Julien Rombaud ce soir, malheureusement. Désolé pour tous ses fans, et je sais qu'ils sont et qu'elles sont nombreuses et nombreux. Mais il nous reviendra, bien sûr, en chair et en os à la prochaine émission, puisque peut-être que la prochaine émission se fera, en effet, en incarné, en présentiel. Nous serons présents, peut-être après ensemble. La réouverture des cinémas, tous ensemble, qui réouvre le 9 juin, et nous sommes fort heureux de cette bonne nouvelle, même si on ne sait pas encore exactement quel plat nous pourrons manger ce jour-là, n'est-ce pas, messieurs? Alors, en tout cas, en attendant, ce soir, c'est un peu la grosse fête de la VOD, encore une fois, puisque nous allons parler de films qui sont disponibles sur les internets, sur différents canaux, et notamment The Mitchells vs. The Machines de Mike Rionda et Jeff Rowe. On parlera aussi de The Disciple de Chaitanya Tamane et Oxygène de Alexandre Aja. Je précise que ce sont des films qui ont soit été acquéris par Netflix pour l'exploitation ici en Europe, ou alors qui ont été directement produits par Netflix. Dans le cas du film d'Aja, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas, Manuel? Oui et non, j'ai plus en tête le montage financier de la prod, mais je crois que c'est, ça reste Wild Bunch qui produit avec Getaway Film, la boîte de prod de Vincent Maraval. Mais Netflix, est, je pense, à l'origine du projet en langue française, donc je pense que c'est des accords de distribution et de préachat au moment de la prod, donc ils sont intervenus en début de chaîne, contrairement à ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. Merci de cette précision et on commencera avec le film Sans aucun remords de Stefano Sollima qui est lui disponible sur Amazon Prime. Et alors en l'honneur du film de Stefano Sollima, je commence tout de suite avec une petite question, mais d'abord la parole est à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Très bien, messieurs. Alors, c'est donc l'heure des questions. Sans aucun remords, c'est une adaptation d'un roman de Tom Clancy. Tom Clancy, qui était un romancier qui a vendu des best-sellers à l'appel sur base de guerre froide, post-guerre froide, on va dire, dans les années 80-90. Il y a eu pas mal d'adaptations de ses romans à l'écran, avec notamment son héros, Jack Ryan. Donc je voudrais que vous me citiez les différents interprètes de Jack Ryan au cinéma, en commençant par le pire. Harrison Ford, hein? Non, le pire, c'est Ben Affleck. Je sais pas si c'est pire, il est transparent, Ben Affleck, il est jamais pire, quoi, tu vois. Il est juste insignifiant, souvent. Donc, quatre interprètes. Allez, dites-moi les quatre interprètes et ensuite vous élirez le pire. Bah, Chris Pine, Harrison Ford, Ben Affleck et bien sûr, Alec Baldwin, le seul, l'unique, quoi. Ah, le seul, l'unique parce qu'il était dans, sans doute, ce qui est à ce jour encore la meilleure adaptation de Tom Clancy, qui était donc À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Alors, tu as cité, Manu, Harrison Ford comme étant le pire interprète de Jack Ryan. Alors, à l'instar du héros de Without Remorse, donc Sans aucun remords, Harrison Ford cherche lui aussi l'assassin de sa femme dans un film, lequel? Bien sûr, c'est Le Fugitif. Hein. Le Fugitif, je ne retombais plus sur le titre. Ouais. Bravo Manu, Le Fugitif d'Andrew Davis en 93. Avec Tommy Lee Jones. Harrison Ford, à l'instar de l'héroïne de Oxygène, se retrouve lui aussi amnésique dans un film. Lequel? C'est Blade Runner 2049. Il se réveille en pyjama et puis il voit Ryan Gosling et il ne sait pas ce qui se passe. Non, c'est pas. Alors c'est peut-être le retour anglais, de la force, mais... non? Il se souvient plus qui est son fils, non? Mais c'est pas dans un Zemeckis, justement. C'est dans Apparence. Oui, oui, il y a un truc où il se souvient plus de tout. Alors c'est sa femme qui est amnésique, je sais plus, il y a un truc comme ça. Oh là là, vous m'avez l'air de patauger, les gars. Mais en tout cas, il est amnésique dans À propos d'Henri de Mike Nichols en 91. C'est vrai, c'est très vrai. Harrison Ford, à l'instar du protagoniste de The Disciple, s'est retrouvé invité à un dîner lors duquel il écoute de la musique indienne. Mais dans quel film? Allez, c'est easy, quoi. Tu peux répéter la question? Alors, Harrison Ford, à l'instar du protagoniste de The Disciple, s'est retrouvé invité à un dîner, lors duquel il écoute notamment de la musique indienne. Dans un film de Peter Weir? Non, dans un film de Steven Spielberg. Est-ce qu'il y mange la cervelle de Saint... De Saint-Jean Sorbet, mais évidemment, oui, il s'agit de Indiana Jones et le Temple Maudit de Steven Spielberg en 84. Bon, eh bien, messieurs, désolé, mais ce soir, vous n'avez pas été à la hauteur de mes questions qui, pourtant, se situent quand même dans une période cinématographique que vous connaissez bien, mais bon, soit. On commence tout de suite avec, sans aucun remords, le film de Stefano Sollima. What we know, Senior Chief Kelly is the third member to be attacked. Three perps are dead. Also killed was his wife. They better hope he doesn't survive. Why's that? He is more dangerous and effective than any man we have in the field. Give me a name. You were supposed to be dead. Give me a name. Alors, connu aussi pour son travail sur des séries comme Gomorrah ou 000, Sans aucun remords est le quatrième long métrage de l'Italien Stefano Sollima, après notamment Sicario 2 en 2018 qu'il avait déjà tourné aux USA, mais avant ça, Suburra en 2015 et ACAB, All Cops Are Bastards en 2012, qui étaient voilà, donc des films qu'il a tournés chez lui en Italie. Ce nouveau film est une adaptation de l'écrivain Tom Clancy, signé Will Staples et Taylor Sheridan, qui est donc un scénariste assez en vue à Hollywood, qui était l'auteur notamment de Comancheria de David Mackenzie en 2016, des deux épisodes de Sicario, et aussi réalisateur de Wind River en 2017. Ce film-ci est interprété et produit par Michael B. Jordan, qu'on a découvert dans la série The Wire et aussi vu dans Creed de Ryan Coogler en 2015 notamment. La photographie est du vétéran français Philippe Rousselot et la musique est de Jonesy, bizarrement du groupe Chigoros. Alors, ça raconte quoi Sans aucun remords? Alors, c'est l'histoire de John Kelly, qui fait partie des forces spéciales de la CIA, qui est en mission spéciale à Alep, et qui, lors d'une mission, se retrouve à tuer des trafiquants d'armes russes, alors que c'était pas censé être sa mission à la base. Trois mois plus tard, alors qu'il est en villégiature aux États-Unis avec sa femme enceinte, ses coéquipiers et son épouse vont malheureusement se faire assassiner. Et donc, à partir de là, John Kelly va vouloir se venger. Voilà. Alors, messieurs, on commence par Manu. Qu'as-tu pensé du film de Stefano Sollima? C'est une déception. C'est une déception d'autant plus au regard de ce qu'avait été la précédente collaboration de Sheridan et Sollima sur Sicario 2. Là, pour le coup, on a l'impression que c'est un film sur lequel Sollima, tout comme Sheridan, ont embarqué en cours de route et se retrouvent à composer avec des éléments assez problématiques, dont notamment principalement le cast de Michael B. Jordan, qui est pour moi un mid-cast complet. J'ai l'impression de voir Richard Gere dans un film de Walter Hill. Ça me rend du rêve. Oui, mais le problème, c'est que au-delà de la préparation physique qu'a dû effectuer Michael B. Jordan, le souci, c'est que le point de départ du récit, c'est quand même le meurtre de sa femme et de son enfant, et que Michael B. Jordan est clairement un acteur qui dans ce registre-là, a beaucoup encore à prouver. Et même juste au niveau de l'intrigue pure, on se demande vraiment où est passé le Sheridan de Comancheria, de Wind River, Sicario 1 et 2. Là, on est vraiment dans un registre d'intrigue de série B ultra générique, avec des retournements de situation qu'on voit venir à 15 km. Et donc forcément, dans ce cadre-là, la marge de manœuvre de Sollima semble extrêmement limité, mais pour le coup, et c'est là où on va parler des qualités du film, c'est que clairement, ce que semble avoir privilégié Solima, c'est de filmer l'action. Et à ce niveau-là, le film se révèle assez généreux, puisque le film comporte 5 à 6 grosses scènes d'action, dont notamment une grosse scène d'action d'une vingtaine de minutes dans un immeuble où l'équipe de John Kelly se retrouve assaillie par des snipers. Et à chaque fois, Solima travaille sa mise en scène du point de vue de ses personnages. Il y a une vraie volonté de narration au cœur de l'action. Ce qui à ce niveau-là, du point de vue de la conception même du cinéma d'action, rapproche le film de Solima beaucoup plus de propositions comme celle de Fury Road ou de Baby Driver que d'actionnaires petits bras auxquels on a pu le comparer, comme par exemple Tyler Herreck. Lucien ? Vraiment tout comme Manu. C'est-à-dire que je partage les mêmes réserves et le même plaisir. Il y a un gros plaisir pour moi de pure mise en scène d'action et de plastique pur, je veux dire, avec ce qu'il faut de scènes de bravoure hyper efficaces. Manu, on n'a pas trop cité, mais il y a un interrogatoire dans une bagnole en feu qui est assez jouissif, je trouve. Il y a une scène d'action éclairée, enfin une fin de scène d'action éclairée à la lampe torche qui pivote sur elle-même, qui en plus d'être follement graphique rassemble aussi ces personnages dans un même enfer moral. Je trouve ça assez malin et ça rejoint un peu tout ce que dit Manu sur le fait que Solima arrive à construire un personnage dans cet environnement, dans cet univers là. Alors oui, en effet, c'est très probablement la première fois de ma vie que je vais dire ça, mais c'est la première fois que je vois Michael Jordan mal joué. Si on fait référence à son homonyme, mais le scénario est en effet très programmatique, assez prévisible. Je pense que dès le départ, il y a un problème à ce niveau-là. Et en fait, pour moi, le réel problème, à la limite, parce que si on s'était dit bon, ben voilà, on laisse tomber cette écriture qui est parfois un peu pauvre. Et assez mal interprété, mais en fait, moi, le problème que j'ai eu surtout, c'est que cette pauvreté-là, pour moi, découle un peu sur une certaine désincarnation de la mise en scène de Solima dans tout ce qui touche au sentiment et au lyrisme qui fait que son cinéma brille particulièrement, en plus de son talent de metteur en scène d'action et de metteur en scène simplement habituellement. Donc voilà, c'est parasité parce qu'il n'a pas un acteur qui peut soutenir ça. Ce lyrisme, oui, parce qu'il n'a pas le texte. Typiquement, il y a un vrai souci, c'est que typiquement le trauma fondateur du personnage, qui est la mort de sa femme. On s'en fout. Il ne sait pas le jouer, Michael B. Jordan. Et donc, je ne sais pas si à quel point c'est de facto que la mise en scène de Solima se déploie dans l'action et n'en fait qu'un sorte de pion au sein de cet échiquier. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et en tout cas, effectivement, la prédominance des scènes d'action, en tout cas, est là pour témoigner que c'est là que le film se déploie, parce qu'il n'arrive pas à se déployer autrement. Ce qui m'a frappé en regardant le film, c'est qu'à plusieurs moments, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un aveu de Solima par rapport à la faiblesse de son acteur. Mais il y a vraiment un moment, en fait, en regardant le film, j'ai plusieurs fois eu l'impression de sentir Solima désemparé par rapport à Jordan. Ouais, écoutez, je suis absolument d'accord avec vous. Après, vous chargez super fort la mule sur l'acteur qui, en effet, au niveau dramatique, me semble assez limité. Et c'est dommage parce que, du coup, il y a tout un discours sous-jacent dans le film qui est sur le patriotisme, l'investissement moral qu'on place quand on décide de faire partie d'un corps militaire comme ça, qui est hyper ramené au forceps dans le film et qui est complètement plaqué, je trouve, sur des dialogues que lui n'arrive pas à faire exister. Mais au-delà de ça, physiquement, je le trouve super impressionnant, en fait. Je trouve que très vite, on croit... c'est autant dans la direction d'acteur, dans la chorégraphie, que lui-même, mais je crois... Enfin, il y a une scène dans une prison, une cellule, où il va torse nu affronter 8 types. Et Solima, la manière dont il a montré son personnage, j'y crois que le mec peut réussir à affronter les 8 types, quoi. C'est aussi que c'est un truc caractéristique de toutes les scènes d'action. Il y a une vraie gradation. Il te met en place certains éléments avant de faire éclater la violence. Et je pense que c'est ce travail de construction dramaturgique autour de ces scènes-là qui est hyper payant et qui, en fait, investi le personnage à défaut que le personnage soit investi. Mais c'est un peu ce que j'essayais. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire quand je disais que Solima avait pas confiance en son acteur et qu'à certains moments ça se voyait. C'est-à-dire qu'en fait non, c'est pas qu'il a pas confiance, c'est qu'il déplace sa confiance ailleurs et qu'il en fait à certains moments j'ai l'impression que les scènes de texte, je vais dire, et juste il s'en fout. Il y a un moment il dit bon c'est bon ça marchera pas, on va pas essayer quoi. On passe directement à sur la force de cet acteur qui est sa physicalité, qui est ce corps qu'il a, et en effet sa capacité à bouger quoi. On sent que le mec a eu des entraînements de boxe, a eu des entraînements, ça se sent et ça se voit, et Solima c'est le filmer. Après il y a des voilà, bon je pense que vous avez bien parlé du film de toute façon, il y a des scènes d'action que moi j'avais juste jamais vu quoi. Je trouve que en effet dans la bagnole en feu c'est la scène est super tendue, tu l'as jamais vu. Ah moi je me suis redressé sur mon siège. Ouais. C'est vraiment très très jouissif, et puis il y a aussi ce moment dans un avion en train de couler où t'as un personnage qui va aller aspirer les dernières poches d'air. C'est un truc voilà, c'est un truc dans les jeux vidéo, je crois que j'avais déjà vu ça, mais j'avais jamais vu ça au cinéma, et c'était quand même purement jouissif quoi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est pour moi cette scène là justement, elle fait écho à une des scènes très médiatisées de Mission Impossible 5, qui était cette scène sous l'eau aussi, où Tom Cruise se vantait d'avoir tenu je sais plus 6 minutes 30 en apnée sous l'eau avec un plan séquence, et qui pour moi marchait beaucoup en termes de promo, mais en termes d'efficacité narrative était assez vaine et assez peu impliquante. Là pour le coup il y a vraiment une tension tout au long de cette scène, qui là aussi en une scène quand même qui s'étale sur une dizaine de minutes, c'est pas une scène qui est expédiée et qui monte de manière graduelle, et tu vois ce jusqu'au boutisme du personnage dans sa mission quoi. C'est vrai que cette scène-là, comme d'autres, m'ont donné envie de voir un Call of Duty en fait par Solima d'une certaine manière. Mais par contre, je mets un petit bémol sur ce que tu viens de dire, Manu, c'est que je la trouvais pas si mal moi cette scène dans Mission Impossible 5. Mais bon, voilà, c'est une pure parenthèse. Très bien, merci messieurs. Je vous propose que nous arrêtions là sur le film de Solima, et on va enchaîner avec. C'est quand même un film qu'on conseillera, parce que si justement le film a peut-être pour défaut justement de s'ouvrir sur peut-être ce qui est, et se terminer sur ce qui est peut-être les aspects les moins réussis du film, c'est-à-dire le meurtre de la femme de John Kelly. La scène en termes d'action est extrêmement réussie, mais son cœur émotionnel est complètement déplacé. Et cette scène post-générique toute pétée, où on voit John Kelly avec des lunettes, Michael B. Jordan qui est juste pas crédible à sauver, avec toute une logique de flatter dans le sens du poil tous les fans de la licence vidéoludique Rainbow Six autour de Tom Clancy. Donc voilà, il faudrait peut-être pas s'arrêter là et ne pas oublier ce qu'a quand même été le film et de ce dont on a parlé, justement, toute cette maîtrise un peu oubliée aujourd'hui du cinéma d'action. C'est-à-dire que là, on est ici aussi pour parler de cinéma sous tous ses aspects, mais je veux dire, c'est dans ce film-là, on voit un aspect du cinéma qui est, je veux dire, ce cinéma de la mise en scène qu'on voit beaucoup trop peu pour le moment, et surtout dans ce type de film là et c'est sûr que bon voilà, on fait les fines bouches parce qu'il y a de quoi faire les fines bouches. Maintenant ça reste quand même du gros plaisir. Très bien, merci messieurs, donc je pense qu'on va s'arrêter là et nous enchaînons tout de suite avec The Mitchells vs The Machines de Mike Rionda et Jeff Rowe. Every family has its challenges. We haven't had a good family picture in years because you two are always arguing. For my family, our greatest challenge... probably the robot apocalypse. Attention all robots! Capture every single person on the planet! Yeah! What would a functional family do? Butterfly formation! Yeah! So we just do that, right? Who's behind this? Hell? I gave you all boundless knowledge, and you treated me like this. Poke, swipe, poke, poke, pinch, zoom. We're the last people left? It's up to us. Save the world. Katie, we're gonna do this. Together. Mitchell family on three. Mitchell family. Two. Sorry. One. Mitchell family. Find them now. Everything with a computer chip is alive. Call me. Mitchell's engaged. 10-2. There you go. Hey, daughter, listen to me. Mitchell. Commercials have always been weird, and that's what makes us great. Hold on a second. What's a Furby? Deuxième film au programme ce soir, The Mitchells vs. The Machines. C'est un nouveau film d'animation produit par le tandem Phil Lord et Chris Miller au sein du studio Sony, après notamment avoir travaillé déjà sur Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018. Pour rappel, Phil Lord et Chris Miller, ce sont les réalisateurs notamment de La Grande Aventure Lego ou encore des adaptations cinématographiques de 21 Jump Street. Alors, ici The Mitchells vs. The Machines est le premier long-métrage réalisé par Mike Rionda et Jeff Rowe, qui ont signé d'abord des courts-métrages d'animation, et ce film raconte l'odyssée d'une famille américaine déjantée alors que la Terre est en proie à une invasion de robots. Et je n'en dirai pas plus sur le film car je ne l'ai pas vu. Alors je laisse tout de suite la parole à Lucien et Manu qui, eux, l'ont vu. Lucien. Je sais pas exactement par où commencer, mais... Peut-être par le fait que dans une production de ce type, dont l'héroïne est présentée dès le départ et sans embâge comme ouvertement gay et qui va citer de manière très discrète son je crois qu'elle appelle ça son Mont Rushmore des cinéastes, composé par Greta Gerwig, je les ai notés, Céline Sciamma, Lynn Ramsey et Al Ashby, et qui va citer le film cette fois-ci et non plus la protagoniste, le zombie de Romero. Franchement, je pensais pas voir ça un jour. J'avais déjà plutôt aimé la série Gravity Falls sur lesquelles avaient travaillé les deux mêmes Rionda et Rowe, que je trouvais déjà plutôt singulier dans l'univers Disney, là en plus, enfin produit par Disney en plus, et j'avais trouvé souvent plus fin et retors qu'une autre série auquel on l'avait pas mal comparé, qui était Stranger Things par exemple. Maintenant sur Mitchell et les machines, au-delà de l'ode à la différence et à l'anticonformisme, je trouve que ce qui est malin ici dans ce film-ci, c'est que c'est vraiment la sortie de route de cette famille qui va leur éviter un sort le même sort qu'au reste de l'humanité, qui va créer toute l'histoire du film, en fait, simplement. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est la forme même du film, qui est assez contemporaine, on va dire, qui mêle 2D, 3D, des images réelles tirées de YouTube. Et tout ça, en final, s'adapte assez bien, je trouve, tout au long du film, à la vision de l'héroïne, jusqu'à évoluer en fonction de son de la dramaturgie, bien sûr, mais aussi de son état d'esprit. Ça, j'ai trouvé ça assez malin, d'autant que le parcours de la protagoniste et du réalisateur sont apparemment à mettre en parallèle. Et en plus, à travers tout ça, je trouve que le film a plutôt l'intelligence de ne pas sombrer dans le film à message pur sur les dangers de la surconsommation, sur les fossés générationnels, sur l'acceptation de soi, etc. Mais prend ça plutôt comme un point de départ, comme j'essayais de le dire plus tôt. C'est accepté dès les premières minutes et le film construit tout son propos là-dessus à travers sa narration. Comment un tournevis contre un smartphone peuvent ensemble, en fait, sauver le monde. Et par là même va torpiller toutes les scènes, en fait, par un gag que j'ai trouvé généralement plutôt amusant. Voilà, je sais pas ce qu'en a pensé Manu. Moi, justement, tout est désamorcé par le gag. Pour moi, c'est un film, c'est vraiment tout ce que je peux détester dans le cinéma d'animation, au-delà de effectivement la réussite formelle du film, qui entremêle effectivement différents types d'animation et qui colle plutôt assez bien à cette génération qui est censée représenter cette protagoniste. Après, c'est pour moi un film qui est écrit dans le moule, en fait, je viens de dire, ça va peut-être paraître bizarre, mais dans le moule des Marvel ou de Shrek, c'est-à-dire où toute dramaturgie est systématiquement désamorcée au bout de 2 secondes par un gag qu'on a oublié juste après, parce qu'en fait, il était pas si drôle que ça, à l'image quand même de ce truc ultra lourdingue de la fin entre le père et la fille qui sont en train de chanter leur tube préféré ringard en train de désinguer des robots. C'est à l'image de nombreux gags du film. Moi, c'est constamment on se fout de la gueule de tout, plus rien n'a d'importance, le conflit entre le père et la fille est en fait jamais réellement traité, toujours traité de manière hyper superficielle. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce film-là qui, au-delà de son emballage graphique extrêmement séduisant, pour moi, brasse du vent. C'était déjà des trucs qui avaient quand même, dans, à mon avis, dans mon sens, dans le Spider-Man qu'ils avaient produit en animation, qui était beaucoup plus intéressant au travers de son animation et des équipes qui avaient bossé dessus, que réellement sur son écriture, qui était, à mon sens, assez caractéristique de ce que font Lord et Miller, qui est toujours dans une logique de déconstruction, d'impro, et qui à mon sens est assez révélateur d'un manque de structure d'écriture. Mais en fait, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais c'est quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi sur d'autres productions de ces deux mêmes gars, mais que justement dans le Spider-Verse et ici, je trouve plus incarné par rapport à leurs propos. Simplement, c'est des films qui ressemblent à leur héros, et c'est des films qui ressemblent à l'époque qu'ils montrent. Un épisode des Simpsons de Matt Groening raconte plus de choses que ce film-là en 1h30 ou 1h40, quoi. Ça, c'est pas impossible. Mais je te trouve un peu dur quand tu le compares à Shrek, par exemple, qui a les mêmes défauts, en effet, de crouler sous un amas de gags qui parfois désamorce un peu le bazar. La différence quand même que ici, comme dans, parce que tu les as pas mal comparés, comme dans le Spider-Verse, t'as quand même quelque chose derrière, quoi, ce qui n'est absolument jamais le cas dans Shrek. T'as une tentative de propos. Moi, j'ai l'impression que c'est de la posture. Ça ne va pas plus loin qu'à mon sens, de la posture, de un peu iconoclaste. C'est un peu, je vais peut-être pas prendre Shrek, mais je vais prendre Little Miss Sunshine. Tu vois, ce genre d'anticonformisme très propre, en fait, qui caresse en fait dans le sens du poil le geek, tout le monde, en fait. Il y a pas d'aspérité sur ce film-là, en fait. Je suis d'une certaine manière assez d'accord avec toi, mais en même temps, c'est quelque chose que, à côté de ça, on voit assez peu dans ce type de cinéma-là. Parce que je vois ce que tu veux dire par rapport à Little Miss Sunshine, mais on est quand même dans quelque chose de tout autre dans la proposition, je veux dire. Oui, graphiquement, mais en termes d'écriture, je trouve pas, moi, en fait. Je trouve que, par exemple, un Brad Bird, quand il fait Les Indestructibles, fouille un peu plus sa cellule familiale que le fait le film pendant tout du long, quoi. Moi, je n'y crois pas aux relations entre les personnages, quoi. C'est sûr que en citant Matt Groening et Brad Bird dans l'animation, on rend pas service au film, hein, ça c'est certain. Merci messieurs, on s'arrêtera là sur The Mitchells vs The Machines de Mike Rionda et Jeff Rowe. Et maintenant, grande première dans l'histoire de Transmission, puisque nous allons parler d'un film indien. Bharatiya Shastriya Sangeetala Margi Sangeet Ugits Nahi Manat. रागाच्या माध्यमातून परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याची वाट दाखवली आहे आणि तो मार्ग प्राप्त करण्यासाठी त्याग हा करावाच लागणार. ऐक आधी, ऐकून घ्या. हे बघाजी, मी एकतर रियाज करू शकतो किंवा नोकरी करू शकतो, हे दोन्ही नाही जमणार मला. या वाटेवर चालायचं असेल तर एकट आणि उपाशी राहायला शिका. पण तू वेगळा आहेस ना रे, तुला कळत ना. Alors, disponible sur Netflix, nous parlons maintenant de The Disciple, le nouveau long-métrage de Chaitanya Tamane. C'est son deuxième long-métrage, qui a reçu notamment le prix du meilleur scénario au Festival de Venise en 2020. Le film raconte quoi ? Le film raconte l'histoire de Sharad Nerulkar, qui dévoue sa vie à devenir un musicien de musique classique indienne. Il est chanteur, voilà, il veut faire du chant. Il joue aussi de la tanpura. Et il suit l'enseignement d'un gourou, et il essaye aussi de marcher dans les pas qui ont été ouverts par son père, qui lui aussi voulait devenir musicien classique indien. Et donc Sharad va se heurter à l'inadéquation entre la volonté populaire et lui, sa conviction profonde de vouloir devenir musicien classique indien dans le plus traditionnel sens du terme. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, c'est l'acteur Aditya Modak qui joue le rôle de Sharad et Arun Dravid joue le rôle de son gourou. Et très bizarrement, à la production de ce film, nous retrouvons un des héros de l'émission qui est le Mexicain Alfonso Cuarón, qui est plutôt bien inspiré puisque je crois que le film est plutôt bien distribué. En tout cas, chez nous, c'est Netflix, sur Netflix que vous le trouvez. Alors, je commence donc sur ce film. Eh bien, je n'ai pas été globalement séduit par ce film. En tout cas, je ne vois pas très bien ce que le film veut me raconter. J'ai l'impression que c'est un film qui fait des tours et des détours autour de son sujet sans jamais vraiment oser l'aborder de fond, dans toute sa complexité. C'est un film qui est très lent, mais lent dans le mauvais sens du terme. Je trouve que la mise en scène est le rythme est très plat, sans relief. Il y a une mise en scène qui est très étirée, comme ça les plans prennent beaucoup de... Enfin, les échanges entre les personnages... Limite programmatique par moment. Ouais, mais c'est juste que je trouve que le rythme interne des plans est extrêmement lent, ce qui fait qu'on s'ennuie parce que il y a vraiment extrêmement peu de relief. Je peux être client d'un cinéma qui va utiliser une certaine lenteur, mais c'est une lenteur qui investit de poids, etc. Investit au niveau de la mise en scène, qui une lenteur qui raconte des choses. Ici, j'ai juste l'impression que tout le monde est sous sédatif. En plus, je trouve la construction dramatique un peu hasardeuse, étrange, avec des espèces de flashbacks qui sont pas vraiment bien intégrés au reste du récit. On a vraiment du mal à sentir les enjeux du film se nouer, voir les enjeux se dégager. C'est vraiment très difficile. Et à un moment, c'est comme si le récit s'incarnait et qu'on voyait un petit peu où Monsieur Chaitanya Tamane voulait nous emmener, qui serait plutôt une espèce de rapport problématique entre maître et élève. Parce que c'est vraiment ça qui est au cœur du récit, c'est la thématique qui se dessine à un moment plus clairement, le moment où l'élève va se rendre compte qu'il n'arrivera jamais à le dépasser ou qu'il est peut-être sous emprise, mais alors c'est effleuré et on ne rentre jamais là-dedans. Donc voilà, moi j'ai pas du tout été séduit par le film, je ne sais pas ce que t'en as pensé, Manu. Je te rejoindrai, c'est un film, je me suis aussi posé un peu les mêmes questions sur ce que racontait le film en lui-même. C'est un film, je pense, qui est tellement peu dans le... dans le conflit de son personnage, qui tend peu à l'expliciter, qu'à un moment, tu as du mal à voir sous quel prisme tu dois regarder le film. Tu sens bien qu'au bout d'un certain temps, cette notion de tradition et de modernité est quelque chose que le film travaille, mais tu ne sais pas vraiment dans quel sens. Et moi, il y a une scène qui m'a assez marqué dans le sens où j'ai trouvé que c'était la seule scène, à mon sens, un peu mémorable du film, qui est la séquence où il rencontre un journaliste musical. Et alors, tu ne sais pas justement si le film se pose du point de vue réellement de ce critique-là ou du point de vue de ce disciple. C'est là, à mon avis, la problématique du film. Moi, j'aurais tendance, malgré l'aspect très nonchalant du critique, à me poser de ce point de vue-là. Mais le film ne tranche pas vraiment sur ce rapport entre la modernité, une sorte de construction un peu mythique et légendaire d'une certaine tradition qui emprisonne le personnage dans un schéma de vie dans lequel il trouve assez peu de bonheur, ne se retrouve assez peu, quoi, puisqu'il a une vie assez, on va dire, un peu assez misérable à côté, quoi. Non, clairement, c'est une vie misérable. En plus, le personnage est montré clairement antipathique et en plus, sa quête personnelle l'emmène sur le terrain de devenir non seulement un raté, mais en plus un mec complètement aigri, tel qu'on le voit notamment dans une scène. Il devient à un moment professeur lui-même de musique. Il n'est pas gourou, il est professeur dans une école. Et à un moment, il va être confronté à un élève qui veut intégrer un groupe à côté, qui va faire de la musique qui sera moins traditionnelle. Et là, le personnage principal se montre proprement dégueulasse. Donc en fait, t'as vraiment un problème d'affect et d'intérêt par rapport au personnage principal. En plus que tu ne le comprends pas, il est désagréable, t'as du mal à cerner son conflit. C'est dommage parce que il y a notamment dans la scène dont tu as parlé, Manu, le réalisateur sait parfois créer une certaine tension, je trouve. À l'intérieur de ces scènes, ça arrive peut-être à une ou deux reprises, mais c'est vraiment deux pics au milieu d'un encéphalogramme assez plat, un peu comme une rythmique de Tanpura qui est toujours assez monotone comme ça, une espèce de tapis. J'ai l'impression que le film serait plutôt épouserait plutôt le rythme juste de la Tanpura et aurait oublié de mettre en valeur le soliste à certains moments, quoi. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'à la fin du film, le personnage, je ne sais pas ce qu'il a trouvé en fait. Je vois vaguement le chemin qu'il a fait, mais ce dernier plan dans le métro avec sa famille, etc., j'ai pas l'impression qu'il... Tu peux te raconter tout ce quelque que tu chose veux, en fait, au avec cours ça. De sa quête, en fait. C'est très bizarre. Il y a aussi des sauts dans le temps, dans la manière dont le personnage évolue, tout d'un coup à une fille, une femme, des enjeux qui sont. Pour le coup, auparavant, des enjeux problématiques du personnage sont tout d'un coup évacués. Voilà, je sais pas, il y a un manque de clarté dans le propos qui fait que tu as du mal à cerner le film. Le film, voilà, il y a des petits moments, je parlais de cette séquence de confrontation où il y a un peu de conflit, il y a des petits moments où effectivement le film arrive à te saisir, à te surprendre. Il y a notamment aussi toute la manière dont sont traitées toutes ces longues séquences de musique et la manière dont elles sont vraiment inscrites dans un cadre qu'au moment, je vais en dire, désacralisé, puisqu'on voit les gens rentrer, sortir, s'installer. Il y a pas le rituel de la musique n'est jamais, est toujours perturbé par des entrées et des sorties de personnages. Ça pour le coup, c'est pas inintéressant, mais ça reste pour moi un film que je regarde à distance et que je comprends un petit peu notre cher ami Lucien qui a eu beaucoup de mal à s'immerger dans le film pour le regarder complètement. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai vu le film dans de très mauvaises conditions et je l'ai donc mal vu ou à moitié vu. Mais il y a deux choses que vous venez de dire en fait que j'ai quand même eu l'occasion de ressentir. Hein, c'est exactement ce dont tu viens de parler à l'instant, Manu. Et je trouvais assez intéressant les entrées et sorties de chants et de d'endroits, de lieux, des personnages pendant les morceaux de musique. Et comme tu le disais un peu plus tôt, Oli, je me suis dit plusieurs fois en fait que c'est un film qui ressemblait peut-être à l'instar du film précédent, qui ressemblait à son époque et à son héroïne. Ici, un film qui ressemble à la musique qu'il met en scène, un truc très cyclique, assez monotone, mais peut-être pas là où ce type de musique peut me plaire en tant que musique. Au cinéma, c'est parfois un peu plus compliqué, où on a besoin en effet peut-être de plus d'accroche et éventuellement de rebondissement. Très bien, merci messieurs. On aura été rapide sur ce film. Malheureusement, j'étais très content d'inscrire un film indien au programme. Mais j'espère que la fois prochaine, on aura un film un peu plus avec des chansons, de l'action, Shah Rukh Khan, les muscles et tout. Enfin, un truc un peu. Je suis presque déçu que tu ne l'aies pas aimé, en fait, Oli. Bon, allez, on va terminer avec Oxygène d'Alexandre Aja et je préviens tout de suite que nous allons spoiler comme des cochons. Voilà. Appel entrant. Allô ? Lise, on a presque plus de temps. On commence par quoi ? Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous Vous êtes qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Trop tard. Ils sont là. D'oxygène approchant du seuil critique. Alexandre Aja, réalisateur révélé par Haute Tension en 2003, a ensuite fait la majeure partie de sa carrière aux États-Unis, mais pour ce nouveau film, eh bien, il revient en France, en français, avec Mélanie Laurent, avec Mathieu Amalric, avec Malik Zidi, même si apparemment Netflix aurait été à l'initiative de la production. Alexandre Aja retrouve à la production Grégory Levasseur, qui avait déjà coécrit Haute Tension, qui avait participé à plusieurs des films de son collègue, notamment Piranha 3D en 2010, Crawl en 2019, que certains des rédacteurs ici ont beaucoup aimé. Et on retrouve à la photographie de Oxygène un autre fidèle du réalisateur, Maxime Alexandre. Le film est écrit par Christy Leblanc et l'histoire en est simple. C'est une jeune femme qui se réveille amnésique dans un caisson cryogénique avec un seul accès vocal à un ordinateur du nom de Milo et donc, dont la voix est donc tenue par Mathieu Amalric. Suivant sa jauge d'oxygène, cette jeune femme a une heure d'espérance de vie avant de mourir de suffocation. Donc voilà, on est vraiment dans un film concept et on est dans un film avec Mélanie Laurent, alors que pourtant... Ce qui est un concept en soi. Certains des rédacteurs de Transmission avaient auparavant créé le veto Mélanie Laurent, mais ici, tout le monde a levé ce veto. Donc je commencerai par cette question. Lucien, Manu... Que pensez-vous de la performance de Mélanie Laurent dans ce film ? À toi, Manu. Elle ne rabaisse pas le film, mais elle ne l'élève pas, à mon sens. Lucien ? Bah, si je voulais être joueur, je dirais que Mélanie Laurent m'a un peu pompé l'air. Mais non. C'est petit. Non, plus sérieusement, en effet, je pense que c'est rarement une bonne actrice. J'ai pu la trouver correcte parfois. Mais pour rentrer peut-être un peu plus dans moi, ce qui m'a gêné ici, c'est que j'ai senti à plusieurs moments et j'arrive pas à savoir si je dois l'imputer à Mélanie Laurent ou à une traduction un peu étrange du dialogue, mais j'ai parfois eu l'impression dans ces monologues qu'ils étaient très, on a beaucoup utilisé ce mot-là aujourd'hui, mais un peu programmatique et assez explicatif, et que ça doit être compliqué à jouer. Alors voilà, est-ce qu'elle a du mal à, enfin voilà, je sais pas à qui je dois imputer ça. Après, c'est intéressant. Il y a eu récemment un entretien sur Capture Mag d'Alexandre Aja autour du film, et il parle notamment de cette dimension-là, puisque c'est un film qui au début a été développé en langue anglaise et a été retraduit par Aja pour l'adapter en français, de cette volonté de faire vraiment une production française. Et justement, il parlait justement de cette dimension où on a une tendance en tant que spectateur à beaucoup plus accepter les personnages qui vont s'interpeller eux-mêmes en langue anglaise, là où en français, c'est un trope entre guillemets de cinéma ou d'écriture qu'on a beaucoup plus de mal à laisser passer en français. Justement, ils ont essayé justement de au mieux d'adapter cette notion que le personnage à un moment est de toute façon obligé d'expliciter ou de verbaliser certaines problématiques ou certaines choses, et que c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans le cinéma français et qu'on accepte plus dans le cinéma anglo-saxon. C'est très vrai. C'est déjà un truc qui m'avait gêné dans un film sur lequel on avait un schisme avec Manu, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. C'est un film de sous-marin français où j'avais déjà eu ce problème-là, où je me disais il y a un truc qui colle pas. Mais je pense ici même que c'est peut-être même la raison pour laquelle pour moi Amalric est celui qui s'en sort le mieux, avec un texte qui est en fait déjà très froid et carré et qui doit être joué comme tel. Et donc à ce moment-là, ça me pose moins problème que dans le cas de Mélanie Laurent, ou même des autres personnages qu'on peut avoir, on va dire, au téléphone. Mais au-delà de ça, Manu, donc, sur le film... Au-delà de ça, t'as pas donné ton avis sur Mélanie Laurent. Tu ne crois pas qu'il va t'en sortir comme ça, quoi. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que l'actrice n'est pas formidable, mais qu'elle n'handicape pas le film non plus. D'autre part, en effet, forcément, c'est difficile de jouer. Enfin, ça doit être difficile de jouer le personnage qui se parle tout seul. Ça m'a gêné à un moment, je pense, dans le film. Je trouve que globalement, c'est plutôt bien géré, ce truc-là, avec notamment l'intervention de l'ordinateur et des autres personnages qui peuvent apparaître au niveau de la voix. Donc, moi, ça a été pour moi. Il y a quand même un moment que j'ai noté, et c'est bon, voilà, c'est comme on le répète, c'est juste que c'est compliqué à jouer, mais où elle dit presque littéralement en répondant à l'ordinateur, donc tu es en train de me dire que si je déconnecte le protocole M44B, ça va, enfin tu vois. Et donc il y a vraiment cette espèce de truc où on te, à certains moments, on te réexplique vraiment les choses pour être bien sûr que t'aies compris. Bon, voilà, bah, ça, c'est un trope de ce type de cinéma et qui, en effet, comme le disait très bien Manu, est parfois un petit peu plus rebutoir en langue française. Ouais, mais moi, je suis un petit peu comme qu'Olivier, c'est pas quelque chose qui m'a... C'est pas un truc qui est rédhibitoire du tout. M'a posé problème. J'y vois justement plutôt une forme d'héritage à une certaine tradition de la science-fiction française, parce que ça pourrait tout à fait être d'une certaine façon, un épisode de la série Métal Hurlant. Et au-delà de ça, au-delà même de son concept, il arrive à ménager ses retournements de situation, à faire évoluer son concept sans forcément s'en détourner, avec une volonté d'ouvrir son film vers quelque chose de plus large. Alors, c'est peut-être là où on va peut-être risquer un petit peu de spoiler le film. On va essayer d'être un peu prudent. Mais justement, d'embrasser un champ beaucoup plus large que le cadre de son récit, avec certaines interrogations qui sont assez propres au cinéma de SF. Alors peut-être que Aja n'a pas forcément la maturité pour embrasser totalement cette SF qu'on va qualifier d'existentialiste, mais il le fait avec une humilité d'artisan du genre qui plaide toujours en sa faveur, à mon sens. Alors après, c'est vrai que c'est un film que je trouve beaucoup moins viscéral que vous pouvez l'être Crawl, mais ça reste à mon sens un modèle de série B extrêmement ambitieuse et exigeante. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai cru que j'étais tout à fait d'accord avec toi, et puis j'ai cru que j'allais te lâcher quand t'as parlé du côté, pour toi, trop terre-à-terre du film, alors que moi, peut-être... Alors, oui, bien sûr que Aja a du talent et qu'il n'est probablement jamais aussi bon que lorsqu'il est circonscrit à un genre extrêmement délimité. Comme on le disait, on est au moins deux dans l'équipe, je sais pas trop pour les autres, en fait, mais avoir beaucoup aimé Crawl. Ici, il est très sûr de son concept et de son dispositif, qui est assez malin, je dois dire. Mais j'aurais peut-être, à certains moments, justement, préféré un film plus simple, plus sec, un peu moins bavard, qui aurait été pour moi un pari que Aja aurait eu le talent de tenir. Parce que, en fait, j'aurais jamais attendu ça d'Alexandre Aja. Mais je trouve ce film-ci peut-être un peu trop cérébral, en fait. On va probablement y revenir après, mais extrêmement malin dans son entreprise, mais rarement aussi efficace et viscéral qu'il n'a pu l'être par le passé, comme le disait à l'instant Manu. Mais après, moi je trouve pas que les pistes que le film développe dans son dernier tiers, même si à mon sens elles manquent, du moins elle souffre peut-être de la comparaison avec certains grands modèles, on va pour le coup spoiler le film, grands modèles de SF, dans les questionnements que développe le film. À mon sens, Aja le ménage toujours dans le cadre ludique de son récit, et donc pour le coup, à mon sens, il pète pas plus haut que son cul. C'est pas du Luc Besson dans Lucie qui se prend les pieds dans le tapis en voulant faire de la métaphysique. On est vraiment dans une dimension d'artisan, mais dans le sens le plus noble du terme. C'est en effet, je me suis peut-être mal exprimé, mais pas quelque chose qui me gêne, exactement pour la raison que tu viens de soulever, c'est-à-dire que c'est fait de manière ludique et qu'on sent qu'en fait Aja s'amuse à faire ça. Maintenant, ça m'ouvre des pistes qui sont peut-être intéressantes, qui m'éloignent en fait de ce que je préfère chez Aja, simplement. C'est ça que je voulais dire. Je suis assez intéressé par votre discussion, parce que moi, en effet, si j'ai pu percevoir ces thèmes, peut-être qui vont au-delà du simple exercice de style qui est proposé à la base, bon, je les ai perçus, mais ça m'a pas gêné qu'ils les abordent et qu'ils les effleurent, et que tout en restant complètement humble, parce que moi, donc, j'ai pris le film vraiment pour ce qu'il me proposait, comme une espèce de crescendo assez bien orchestré de révélation, même si on ne tombe jamais de sa chaise. Enfin, je veux dire, on peut quand même tout un peu anticiper, mais l'écriture est suffisamment maligne pour que ça intervienne au bon moment et aussi que les révélations soient bien amenées, bien orchestrées. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a un truc que je trouve intéressant dans le film, c'est que, notamment en ce qui concerne tous les flashbacks, enfin, ce qu'on peut appeler les flashbacks, c'est que ils sont tous muets, tous ces flashbacks, et en fait, tous ces flashbacks sont des codes de cinéma hyper, hyper éculés. C'est-à-dire que chaque idée visuelle est hyper connue du spectateur qui a vu plein de films et qui va identifier exactement de quoi on parle tout de suite, quoi. C'est-à-dire, genre, le test ADN, le masque, la maladie, la meuf derrière la vitre qui voit son mec mourir, toute la séquence de fin sur la... on spoil sur la nouvelle planète là avec les fringues blanches, les astres dans le background et tout. Je trouve que tout joue sur des codes hyper éculés, mais qui vont éveiller directement, enfin qui vont directement appuyer sur le bon bouton dans l'imaginaire du spectateur. Et donc ça montre quand même bien une maîtrise quand même de Aja pour raconter son histoire de manière simple et directe. Et je trouve que c'est un aveu de vouloir faire bien les choses et de raconter les choses de manière limpide. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi pas minorer cette clarté justement qu'a le film, cette épure à laquelle arrive Aja, pour avoir vu récemment un film qui repose sur un concept assez similaire qui s'appelle Méandre de Mathieu Thury, où là toute la problématique de l'avancée du récit se pose de manière extrêmement artificielle. Là, pour le coup, la manière dont Aja travaille tous ses rebondissements et tous ses retournements de situation est toujours fait à la fois dans une logique ludique qui ouvre progressivement le récit vers quelque chose d'inattendu et à la fois est toujours connecté au personnage. Donc après, oui, je comprends le point de vue de Lucien sur le fait qu'il attend Aja sur un autre registre, mais moi, justement, je trouve ça intéressant de voir un cinéaste qui s'aventure avec quelque chose de différent, qui ne cherche pas à reproduire exactement la même chose. C'est même plutôt rassurant. Justement, oui, mais on critique beaucoup trop souvent des films où on a justement un petit peu que ce qu'on attend, ce qu'on a vu dans la bande-annonce, le film se conforme à un schéma préétabli. Et ben là, je salue au moins la démarche de Aja de m'avoir surpris. Donc voilà, c'est vraiment moi un film que je recommanderais hautement, à la fois aux amateurs d'Aja qu'à ses détracteurs. Très bien, merci messieurs. Je vous propose qu'on s'arrête là sur le film d'Alexandre Aja. On va faire maintenant, on va quand même lancer le jingle conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras. Nous trichons un peu puisque pour l'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des conseils que nous allons vous faire, mais nous allons faire plutôt une espèce de petite revue de la VOD, puisque nous avons un petit peu cherché avant d'élaborer le programme de cette émission numéro 46, et nous avons chacun fait des repérages sur certains films que nous avons décidé de ne pas inclure finalement au programme de tout le monde. Donc moi j'ai vu Shadow in the Cloud, le film de Rosanne Young avec Chloé Grace Moretz, qui a une assez bonne presse et en gros qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Chloé Grace Moretz, au début du film, embarque dans un bombardier et elle va être une espèce de passager clandestin que l'équipage entièrement masculin va très vite reléguer dans l'espèce de poste mitrailleur qui est situé sous la carlingue de l'avion et l'enfermer, mais elle a une communication radio avec le reste de l'équipe. Et très vite, dans le film, elle va s'apercevoir qu'il y a un gremlin qui est en train de saboter l'avion. Alors, je dirais que c'est étrange parce que justement, le film peut avoir des résonances avec Oxygène. Et là, du coup, je dirais que le concept du film était assez excitant, je trouvais sur le papier, mais je trouve qu'il est exploité de manière beaucoup moins inspirée et que, en fait, le film est assez décevant dans l'exploitation de sa situation initiale et de son... de son concept des données de base qu'il propose, qui est assez prometteur. Et en fait, on est supra déçu, puisque en effet, pendant les deux tiers du film, Chloé Grace Moretz est enfermée. Les échanges radio sont vraiment là très très écrit, très lourd, souvent pas très bien joué. Enfin, c'est un peu le même problème dont on parlait avec Oxygène. Et puis ensuite, une fois qu'elle sort de la coque de l'avion, elle devient un peu Wonder Woman, et ça se termine dans un climax mis en scène de manière super plate. Voilà, donc finalement, moi j'ai pas du tout été séduit, et je ne l'ai pas infligé à mes amis. Mais Lucien a vu, lui, Raya et le dernier dragon. Mais tu voudrais dire, Olivier, que tu es plutôt team Mélanie Laurent que plutôt team Chloé Grace Moretz? Eh ben, sur ce coup-là, oui. Ouais, mais en attendant, j'ai vu le film aussi. Alors, je partage plutôt ta vision du film, qui est un vrai film bourrin quand même. Enfin, je veux dire, il y a tant thématiquement que dans sa manière de présenter les choses, il bourrine bien. Après, je sais pas, ce que moi je me suis pas non plus royalement fait chier. Le film fait 1h15, c'est vite vu, quoi. Ouais, c'est vite vu, mais c'est décevant. Oui, c'est en effet. Mais les Gremlins sont énormes. Ils ressemblent pas aux Gremlins de Joe Dante. Allez, enchaîne. Ah non, pas tout à fait. Ben, Raya, dernier Disney, j'ai franchement pas grand chose à dire dessus. C'est aussi assez décevant. Enfin, décevant, je sais pas que j'en attendais grand chose, mais c'est pas génial. C'est surtout assez mal écrit. On sent quand même que dans ce type d'animation, fatalement, Pixar a bien donné a bien mis la carotte pour Disney, et donc on sent qu'il y a un travail comme peut y en avoir un chez Pixar sur la lumière, sur les ombres, sur ce genre de choses qui est assez réussi. Maintenant, c'était très mal écrit, la faute surtout à un personnage, une méchante qui change son fusil d'épaule 15 fois sur le film. Du coup, à un moment, ça devient très prévisible et c'est un peu lourdingue. Voilà. Après, c'est pareil, comme Shadow in the Cloud, ça c'est vite vu, vite oublié. Mais en plus de ça, il se trouve un conseil. J'étais pas très au fait de la préparation. J'ai voulu dernièrement regarder un Liam Neeson défonce tout le monde. Et en fait, j'étais assez étonné devant Marksman, de penser, dont je ne savais absolument rien, de penser dès le départ, mais vraiment pas les premières secondes, mais en tout cas dans le premier quart d'heure, de penser à Eastwood, de penser à l'approche qu'a Eastwood de son propre pays, comment les USA créent ses propres dangers, ses propres ennemis à travers sa politique nationaliste, protectionniste, va-t-en-guerre même, sur un propos sur le port d'armes, et brièvement sa logique comme ses dérives, puis sur le destin, je vais dire, dans toute sa relativité et les choix qu'on peut avoir à son égard. Le tout, comme je le disais, dans un Liam Neeson contre le monde, mais ici, pour ses idéaux, façon Eastwood, qui plane tant sur la réal que sur l'actorat, que sur la thématique, bref, partout, avant que n'arrive le générique final et que je vois que le film est réalisé par Robert Lawrence, qui n'est autre que le producteur des 15 derniers Eastwood, je pense, et grand ami d'Eastwood, j'imagine, pour lequel Eastwood avait tourné dans le précédent film dont j'ai oublié le nom, que j'ai vu à l'époque et que j'ai un peu oublié. Avec Amy Adams. Exactement. J'ai un trou, merde. Une autre chance. Oui, un truc comme ça. Et producteur des derniers Eastwood, donc les moins bons, Invictus, etc. Mais et surtout au-delà, mais aussi parmi les meilleurs, puisque je pense, sans dire de conneries, qu'il est producteur d'American Sniper, de Mystic River, de Million Dollar Baby, de Gran Torino, etc. Donc voilà, plutôt un film intéressant. Merci Lucien. Et donc on va terminer avec Manu. Ben, moi, je vais compter vous parler du dernier film en date de Romeo Balagueró, le réalisateur de La secte sans nom et de Malveillance, qui signe un petit film de braquage, au titre français extrêmement inspiré puisqu'il s'agit de Braquage final. On applaudit forcément le département marketing, ou The Vault en anglais, où clairement Balagueró, pour la première fois de sa carrière, ben, sort de son précaré du cinéma d'horreur, mais paraît assez peu inspiré puisqu'il s'inscrit fortement dans le sillage de la série La Casa de Papel, ce qui donne l'impression souvent d'assister à un long pilote de série plutôt qu'un un film en lui-même. Donc au lieu de cette sortie vidéo, pas désagréable mais assez dispensable, je vais plutôt vous parler d'un film qui sort en salle puisque les salles ont réouvert en France. C'est le film d'animation Ongaku, Notre Rock, de Kenji Iwasawa, que l'on a pu découvrir en Belgique lors du Festival Anima en tout début d'année. Et c'est un film qui se présente sous la forme d'une chronique adolescente autour d'une bande de losers qui décide de monter un groupe de rock. On pourrait parler d'un croisement entre à la fois l'univers de Matt Groening, des Simpsons et de Kitano. C'est un film tout en rupture de ton, avec notamment une très belle manière de mettre en image tous les moments de transe musicale du groupe où tout d'un coup le trait se met à osciller au rythme de la musique. Le film est distribué par Eurozoom, qui fait un boulot assez essentiel, puisque c'est un mot très à la mode autour du cinéma d'animation asiatique. Donc voilà, si vous hésitez sur quoi vous mettre au programme de votre première sortie cinéma et de retour en salle, ben courez voir ce très chouette film d'animation. Merci beaucoup pour cette reco, merci beaucoup pour cette émission, Manuel, merci beaucoup, Lucien. Et nous nous retrouverons, je pense, d'ici une quinzaine de jours ou trois semaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis, auditeurs, auditrices. Prenez soin de vous, suivez-nous, transmissionlepodcast.com pour le site web, sinon PodCloud, Podcast Addict, Apple Podcast, Twitter, Facebook, Instagram. Jouez à nos jeux, répondez-nous, écrivez-nous, insultez-nous, ce que vous voulez. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.